fierté pour moi, en ma qualité de présidente du département et au nom de tous les Guadeloupéens, de vous souhaiter la bienvenue en Guadeloupe. La Guadeloupe, terre de tolérance, terre d'ouverture, théâtre historique pour la reconnaissance des droits humains, de la dignité humaine, vous accueille avec enthousiasme. Et ce, d'autant qu'elle sait votre attachement à la défense de ses valeurs humanistes. C'est probablement ces mêmes raisons qui vous ont conduit à accepter l'invitation du président Victorin Lurel à manquer de votre présence la cérémonie d'inauguration du Memorial Act, lieu de mémoire sous la traite de l'esclavage, mais aussi de réconciliation et d'amitié entre les peuples. Permettez-moi de rappeler les propos de Monsieur le représentant de l'UNESCO, Monsieur Moussa Liali, qui disait « Ce projet a révélé au monde une histoire de l'humanité, une histoire cachée, cachée par la honte et la culpabilité, une mémoire bouillonnante mais recouverte, celle d'une tragédie qui détient des records de cruauté que l'homme est capable d'affliger à son semblable dans sa quête de richesse et de gloire. Monsieur le Président, par votre présence demain aux côtés du Président Victorin Lurel, à nos côtés, vous signifierez à nos régions leur importance dans l'ensemble de la nation française. Monsieur le Président de la République, je vous sais très sensible au sort de nos territoires, particulièrement malmenés du point de vue socio-économique dans cette conjoncture difficile que nous traversons. Nous ne pouvons en effet ignorer les chiffres préoccupants du chômage en général et celui des jeunes en particulier. Du nombre alarmant des bénéficiaires du RSA que le budget du département n'arrive plus à supporter, du rythme galopant de fermeture d'entreprises. Ce sont là des données qui traduisent l'acuité des problèmes que nous nous attachons à résoudre quotidiennement à travers nos politiques publiques, nos plans d'action, afin d'offrir d'autres perspectives à notre population et singulièrement à nos jeunes. Cependant, il est clair, Monsieur le Président, que dans le contexte qui est le nôtre, l'action publique locale a besoin d'être soutenue, voire renforcée par une intervention exceptionnelle de l'État dans des domaines où le besoin d'équipement du territoire est patent. Nous avons en effet à rattraper des retards importants dans le renouvellement et la mise en place d'infrastructures nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des Guadeloupéens et à la modernisation de notre territoire dans des secteurs aussi vitaux que l'alimentation en eau potable des populations, le traitement des déchets ménagers, la fracture numérique, l'équipement sanitaire majeur qu'est le centre hospitalier universitaire. Sur ce dernier point, l'État a certes confirmé son engagement de prendre en charge la reconstruction de l'établissement, mais les contraintes ou obstacles procéduraux menacent le planning de mise en œuvre de cette opération essentielle pour la santé de nos concitoyens. Nous souhaitons donc pouvoir compter sur vous pour que, à l'instar d'un de vos illustres prédécesseurs, François Mitterrand, lequel avait demandé que soient bousculées les procédures après le passage dévastateur du cyclone Hugo, vous puissiez aussi, Monsieur le Président, enjoindre la haute administration d'en faire autant pour le CHU. De même, et dans le droit fil de cette opération, nous souhaitons que l'État accepte l'implantation en Guadeloupe d'un centre d'imagerie médicale doté de TEPSCAN et de cyclotron. Monsieur le Président, notre territoire est l'un des plus touchés par les cancers, notamment celui de la prostate pour les hommes et celui pour la femme. il n'est résolument pas acceptable d'imposer des déplacements coûteux et fastidieux à des personnes déjà affaiblies. J'attends donc sereinement un accord de la ministre de la Santé de cet équipement sur son territoire. Dans le domaine économique, les forces vives de ce s'exprimer et être libérées des contraintes afin de créer les conditions du développement. En effet, le carcan juridico-normatif par trop exigeant, tel que ceux à la loi relatif à la loi sur l'eau ou à la loi sur le littoral, à des régions exiguës comme la nôtre, par une multiplicité d'acteurs agissant isolément, sont autant de freins aux initiatives porteuses de création d'emplois. Il est donc nécessaire que ces normes soient assouplies de manière pertinente afin que la Guadeloupe soit davantage en mesure de valoriser ses atouts. Toujours dans le domaine économique, il importe que les services de l'État accompagnent les entreprises dans la recherche de débouchés dans la zone Caraïbe ainsi que dans la mobilisation du CICE qui gagnerait lui-même à être renforcé. Il qu'une impulsion décisive soit donnée à l'instruction des demandes de défiscalisation, car nombreux sont les dossiers actuellement bloqués, ce qui est préjudiciable au dynamisme économique de notre territoire. Une autre problématique forte à la finance économique a un impact direct sur notre biodiversité littorale et comportant des risques sanitaires non négligeables pour les populations, nous préoccupe au plus haut point. Il s'agit de la question des algues brunes, dites sargasses, qui envahissent massivement depuis plusieurs mois nos côtes, nos plages et nos ports. Des actions sont certes menées par les collectivités, mais les moyens manquent face à l'ampleur du phénomène. Aussi, l'intervention de l'État s'avérerait-elle indispensable dans la durée afin de traiter efficacement ce problème. Monsieur le Président de la République, les événements tragiques de ce début d'année qu'a vécu la France ont montré toute l'importance du droit à la sécurité. La criminalité atteint des pics sur notre territoire. Les forces doivent donc faire face. À cet égard, nous sommes en attente depuis de nombreuses années d'engagement ferme de l'État s'agissant de l'agrandissement de la prison de Bémao et de la reconstruction de celle de Basse-Terre, dont les conclusions de toutes les missions d'enquête qui ont pu s'y rendre sont convergentes quant au niveau de promiscuité et d'insalubrité qui y règne. Il n'est pas dans mes intentions, Monsieur le Président, bien que je sois déjà trop longue, certainement, il n'est pas donc dans mes intentions, Monsieur le Président, de vous dresser un inventaire exhaustif des besoins ou attentes du territoire. Ce serait inconvenant. Il s'agit plutôt pour moi de vous sensibiliser aux urgences qui sont les nôtres, afin qu'elles soient réellement prises en compte et qu'à brève échéance, les solutions attendues et qui ne sont pas que d'ordre financier, soient apportés. Il s'agit, avec le concours de l'État, la contribution de la nation, d'appuyer les efforts faits localement pour améliorer le sort de nos concitoyens, d'aider à leur mieux-être et faire que l'idéal de justice sociale, d'équité territoriale, soit une réalité aux confins de l'ensemble français auquel nous appartenons. Encore une fois, Monsieur le Président, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue en Guadeloupe, terre d'accueil par excellence.